on prend du vide. Trop d'hésitation, atteint la vision, t'as la vue qui baisse. Tant qu'il y a du stress, le ventre qui blesse, sécrétion acide. Même tenue en l'air, j'aime pas les caresses, c'est critique me speed. En force, je contrais mes forces, plonge dans le vide. Une bombe s'amorce, je pompe le torse, encaisse les vides. La famille qui teste, entourage complète. La musique c'est vraiment tout ce qui me reste. Personne me déteste, personne fait un geste. Personne me déteste, personne fait un... Que la mort soit pour et brave comme un cadeau. Attends et pas, dire que la mort.